La Teloupe. Il était une fois un bûcheron du nom de Kikori Suké. Il portait à la joue droite une énorme loupe. Cette infirmité l'affligeait beaucoup, car chaque fois qu'on le voyait passer, les voisins riaient, surtout les jeunes. Un soir, il achevait de couper du bois dans la forêt. Tout à coup, un violent orage éclata, accompagné de fulgurants éclairs et de sourds grondements de tonnerre. Le bûcheron se réfugia dans un tronc d'arbre et attendit. Vers minuit, les nuages se dissipèrent, le ciel s'ouvrit et laissa passer les étoiles. Kikori Suké se disposa à partir. Subitement, un bruit étrange l'arrête. C'est comme un mélange confus de voix et de cris qui n'ont rien d'humain. Cela approche, grossit, le bûcheron a peur. Il se blottit dans sa cachette. Bientôt, il voit déboucher d'un sentier une multitude d'êtres fantastiques. Chacun a une tête d'animal. Tous ont un corps d'homme, avec des pieds de chèvre et une queue de singe. Il se masse justement devant l'arbre dans le tronc duquel le bûcheron est caché. Ils déposent leurs lanternes et leurs paniers, s'assoient sur l'herbe et commencent un repas. Kikori Suké comprend que ce sont les lutins des bois. Il tremble de tous ses membres et retient sa respiration. Quand ils ont fini de manger et de boire, ils se lèvent. Les musiciens prennent leurs instruments, shamisen, koto, flûte, tambour et tam-tam, se mettent à l'unisson. Puis une ronde folle s'organise. La danse est d'abord calme et lente, mais la musique accélère ses notes et les danseurs s'animent. Bientôt, c'est un vacarme cadencé, des cris perçants, des chants sauvages. Le bûcheron s'est calmé peu à peu. Cette danse et cette musique l'intéressent, car il aime beaucoup la musique et la danse. Instinctivement, il bat la mesure de la tête et des mains. Enfin, n'y tenant plus, emporté par le rythme, il sort de sa cachette, se jette au milieu des lutins et se met à danser avec eux. Ceux-ci, tout surpris, s'arrêtent et le regardent. Lui danse toujours. Et ils dansent très bien, presque aussi bien qu'eux. Les lutins émerveillés applaudissent. Puis quand il s'est arrêté, ils le félicitent chaudement, le font asseoir au milieu d'eux et lui servent à manger et à boire. Jamais il n'avait de sa vie fait un aussi bon repas. Sur ces entrefaites, Laurent entr'ouvrit doucement ses portes et du fond de l'Orient se précipita une douce et pâle lumière. Les lutins se disposèrent à partir, car les lutins n'aiment pas la lumière. Le chef de la troupe s'approcha du bûcheron et lui dit « Tu danses admirablement bien. Tu nous as grandement amusés. Il faudra revenir. Reviens le mois prochain au soir du sanglier. Comme gage de ta promesse, j'emporte ceci. » Et d'un coup de main habile, si habile que le bûcheron ne sentit rien, il lui enleva l'énorme loupe qu'il portait à la joue droite et la mit dans sa poche. Quand ils furent partis, Kikori Suké se demanda d'abord s'il n'avait pas fait un rêve. Il se passa la main sur la joue droite et s'assura que la loupe n'y était plus. Alors, fou de bonheur, il courut à son village pour vite raconter la chose à sa chère femme. Au village, ce fut un événement. On parla partout de l'aventure. Les amis du bûcheron vinrent le féliciter. Or, dans le village voisin, habitait un menuisier qui portait, lui, une grosse loupe à la joue gauche. Ayant entendu raconter l'histoire de Kikori Suké et appris comment ce dernier avait été débarrassé de sa loupe, il résolut d'essayer à son tour du même moyen. Il alla donc trouver le bûcheron, s'informa exactement du soir et de l'endroit où les lutins se réunissaient, et au jour dit, se rendit seul à la forêt. Le menuisier, caché dans le tronc d'arbre, attend avec anxiété l'arrivée des lutins. Ceux-ci arrivent, en effet, se mettent à table, puis commencent à danser. Tout à coup, le chef de la troupe s'écrie à haute voix. « Le bûcheron de l'autre jour n'est-il pas encore arrivé ?»« Me voilà !» répond le menuisier en se jetant au milieu des lutins. Ceux-ci, tout heureux, lui font de profonds saluts et l'invitent à danser. Malheureusement, le menuisier n'avait jamais appris la danse. Il essaye, mais il danse très mal. Le lutin murmure. Puis le chef, l'arrêtant, lui dit d'une voix sévère. « Tu ne danses pas bien aujourd'hui. Je ne veux plus que tu reviennes. Je te rends ton gage. » Et, se disant, il applique sur la joue droite du malheureux menuisier l'énorme loupe que, le mois dernier, il avait prise au bûcheron. Et voilà comment le pauvre menuisier revint tout triste à son village, portant deux loupes au lieu d'une, une loupe à chaque joue. Morale. Si vous ne savez pas danser, n'allez jamais dans la forêt le soir où les lutins se réunissent.